paraît que t'es au phénomène là. Ouya ya ya ya, j'ai trop la tête pleine. Ouais, quand y'a pas, y'a pas. Forcé, c'est pas la peine, bro. Vodka à la playa, les bagues et la chaîne, bro. J'suis en GP, en survêt d'épée, en lunettes aux clés, j'les baise en beauté. J'veux plus rien savoir, j'suis dans ma bulle déconnectée. Tu me connais, ils vont vouloir me revoir. C'est pour du buzz, j'les connais. Avec la mienne.